j'ai des cassettes à ouvrir. Oui, mais pour qui donc? Alors, Fred? Oui, Thomas. Ça va bien? En rodage. En rodage, d'accord. Oh non, toi tu fais le modeste. Non. Mine de rien, rien ne me mine, mais quelque chose me minerait presque quand même. Mais c'est rien. D'accord, les crayons peut-être. J'étais sûr que je trouverais. Taille-toi alors. Hein? Allez. Non, bonne soirée. Comment ça va bien? Bah écoute, ça va. Le temps de régler mon casque et que tu voilà, moi, je prends les cassettes à la tech. Je vois que il est toujours là. Ton micro est décoré. Je décore, c'est bientôt Noël. 70. T'as vu ça un peu? Une magnifique fleur psychédélique. Mais ça ne dure pas très longtemps, comme tout ce que tu fais. Je vois que toute ton équipe est, comment dire, à des couvre-chefs magnifiques. C'est le bon band. C'est ça. C'est comment ça s'appelle, les tricots de France qui nous sponsorisent. On dirait des skateurs. Ouais. Oh voilà. Goupil, il est pas skateur du tout, ça l'a vexé. Hein. Ça va, Jean-Mathieu? Ça va. C'est bizarre là, d'un coup là. Hein? Tout à fait, comme tu dis, oui. Mais... Bon, en forme sinon? Alors? En forme, c'est ce que je viens de dire. Ça faisait longtemps là. Non, parce que là, je n'écoutais pas en fait. Bien, c'est pas du tout. Ça fait quand même 3-4 mois que je ne suis pas recollé à cet exercice. C'est vrai. Voilà, ah, c'est comme le vélo. Pour faire le fond de veau. Le fond de veau, oui. Le fond de veau, oui, c'est ce qu'on fait en grande cuisine. Avec un bouillon magique, exactement. Non, là, je te parle ça dans une grosse casserole en cuivre de professionnel. À mettre dans une terrine ensuite. Exactement, mais la terrine arrive plus tard. Donc vous l'avez deviné, c'est une émission culinaire, maintenant, qui va suivre. Exactement, je reste dans la verve familiale, J'ai pas compris. Non, mais laisse tomber, Thomas, je parlerai de ça. J'ai tripoté le fond du veau, qu'est-ce que c'est que ça? Tripoté le fond du veau, eh bien, c'est parce qu'on a rendu avec ta femme. Voilà, Stéphane, tout dans la finesse. Le téléphone sonne déjà, mais déjà, on répond pas, nous, dans cette émission. C'est pas grand public du tout. Je pense qu'elle a calmé tout de suite. Non, c'est que... Bon, bah, Thomas, excellente soirée, à demain. Ciao. I'm always led by this golden rule. Whatever happens, don't blow your clue. You gotta have nerve, speak. Never show folks what you honestly mean. I live my whole life this way. For example, take yesterday. A brief tone habit, ringing her my pay. Heard no red. So long, sappy, I have ran away. I threw myself down across our empty bed, and this is what I said. But I was cool. Tu me fais peur, Frédéric. Je suis Patrick Bruel, enfin. Je suis ta femme. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je peux pas être marié avec Patrick Bruel, si? Non. Ça doit être un chauchemar, ça doit être un chauchemar, ça doit être un chauchemar. Pourquoi je mets deux H à cauchemar? Invite-toi, prêtre, prêtre, invite-toi! La Tex? Oui. Tex? Qu'est-ce que tu... Oh, je peux savoir ce que tu fais dans mon lit? On est mariés, mon chou. Hein. Comment ça, nous sommes mariés? Mais depuis quand? Ton cul! Attends, ne le prends pas mal. Je suis tout à fait avoir oublié que toi et moi, nous sommes mariés, femmes. Et lequel d'entre nous fait la femme? C'est toi, mon boubou. Hein. C'est impossible, c'est pas possible, c'est pas possible, au secours! Quoi, tata? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est où, la sexe? Vous êtes qui, vous, encore, là-haut? Qu'est-ce que vous faites dans mon lit? Pourquoi vous hurlez tard la tata comme ça? Vous bossez pour Nagui ou quoi? Hein? Attendez! Revenez! Ah mais revenez, vous étiez plutôt mignonnette pour des mineurs! Dites-moi, brigadier, qu'est-ce que c'est que ce grand bâtiment? C'est ma bite. Ce sont des femmes qui travaillent là? Oui, j'espère. Dites-moi, brigadier... Stop, mais vous êtes qui encore, là? Vous êtes qui encore? Ah! Mon amour, réveille-toi. Ah! Ah! Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Ah! Et tu es avec moi, dans le lit. Tu semblais avoir fait un mauvais rêve, alors je t'ai réveillé. Non, mon amour, t'es sûr que je suis vraiment réveillé, là? Mais c'est sûr que oui. Tu t'es d'abord mis à parler de Marguerite et de Niluge, ensuite de Patrick Bruel, puis de Latex, puis de Taratata, et enfin de ta bite. Ah, j'aurais jamais dû arrêter le whisky pour me mettre à la vodka, parce que ça me fait faire des cauchemars poupéreux. Tu sais, ton ouvrier, hop, y en a une autre. Ton ouvrier, hop, y en a une autre. Ton ouvrier, hop, y en a une autre. Où vas-tu? À la radio. Je crois que j'ai fait une grosse connerie. J'aurais jamais dû arrêter l'émission du soir, et ni le whisky d'ailleurs. Le studio. Ah, y a rien à dire, il a pas le même tronc ce soir. Hein. Même si ces derniers temps, avec le changement d'heure, le matin il faisait soir. Enfin, ça n'a pas le même cachet. Dans le côté studio et la forêt magique, c'est pas la même cachette. Bien! Oh, la sexe! Mon vieux vampire à moi, comment ça fait plaisir de te revoir. Regarde mon sourire. C'est toi, je parle ici comme ça depuis que t'es là. J'ai bloqué par la joie. Regarde, t'as un embouteillage dedans qui klaxonne sur mes lèvres. Ça klaxonne de bonheur. Là, il est content. Et merci d'être venu aussi vite. Regarde, c'est toujours bloqué. Allez, nous n'avons pas une petite minute à mettre. Nous n'avons pas une minute à perdre. Je veux dire, tu veux bien m'ouvrir la trappe, s'il te plaît? Ben nous? Comment ça, Aubanon? Je t'interdis de Aubanonner en ma présence. Il n'y a pas d'Aubanon qui tienne. D'ailleurs, ça n'a jamais tenu, les Aubanons. Et ça ne tiendra jamais. Moi, j'ai essayé d'en monter plein. Les sardines, elles te sautent à la gueule. Allez, fais ce que je te dis. Ok, ça roule. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, d'un aide. Mais c'est du béton. Ils ont coulé du béton. Ils ont coulé du béton dans ma forêt magique. Non mais ça va pas bien là. Attends, je m'en vais vite deux petits mois le matin et alors tout de suite c'est l'anarchie. Oh, c'est l'anarchie. Passe-moi le téléphone s'il te plaît. Passe-moi le téléphone. Merci. Allô, Michel. Oui, c'est Frédéric. Non, s'il vous plaît, un peu de silence, je parle à mon patron. Oui. Non, pas Frédéric du matin, Frédéric du soir. Voilà, c'est ça. Oui, justement, j'appelle parce que j'essaye de retourner chez moi, c'est-à-dire sous le studio, et il s'avère que quelqu'un a malencontreusement, je sais pas moi, peut-être en assaisonnant son café, fait couler une nappe de béton dans ma forêt. Et il s'avère que je ne peux plus y rentrer. Non, c'est ridicule de couler du béton. Je veux dire, non, ce qui aurait été intelligent, là, à la limite, j'aurais dû apprendre à nager. Non, parce que, pardonne-moi, le couler, tout le monde peut le faire. Eh bien, je m'en fous, Michael, tu vas voir. Moi, je vais te faire tout ça. Sauter au marteau-pilon et au tractopelle, ça va pas traîner, hein. Non, parce que je te rappelle que j'ai des amis que j'ai lâchement abandonnés, moi, là-dessous. Mais non, ça fera pas de bruit dans le studio. Mais t'auras qu'à dire que c'est guérilla radio, les gens n'y entendront que du feu. Ah, Oh, en fait, Michael, t'as déjà entendu du feu? Non, ne quitte pas. Vas-y, Atex. Est-ce que t'en as un? Non? C'est parfait. Vas-y, brûle-moi la main avec ton briquet. Ouais! Ouais, hey, hey, hey. Ah, qu'est-ce que t'en penses, Michael? C'est pas un bon sujet d'émission culturelle, ça? Si, hein? Le bruit du feu, non? Bon, alors j'attaque Helico, pesto la nappe de béton, hein. Allez, adieu, l'ami gosse. Je comprends pas. Je comprends pas quoi? L'ami gosse? Ça, c'est parce que Michael, c'est mon ami, mais c'est encore un enfant, l'ami gosse. Bon, ça fait un don en espagnol, mais un 16 en poésie, si je démarre bien. Qu'est-ce que... Latex. Oui. Il y a un truc qui bouge sous mes pieds, là. Non. Attends, réfléchissons. Mes pieds ne peuvent pas bouger tout seuls. Je ne me suis pas acheté les dernières Nike avec ressort comme Josquin. Alors ça, tu verras, c'est très rigolo parce que tu le tapotes sur la tête et il se met à rebondir. Comme un ballon de basket. Mais moi, j'ai pas ces chaussures là, donc c'est pas ça. Latex, je te jure que ça bouge en dessous de bois, là. Qu'est-ce que ça peut être? La radio n'a pas été construite entre deux plaques tectoniques, est-ce que ça... Je te préviens, si la radio est construite sur un volcan, moi je m'en lave les mains. C'est juste une drôlatique. La tête, ça continue de bouger. Non, c'est rien. J'ai même l'impression que j'empêche sérieusement le truc qui creuse en dessous de moi de sortir. Je vais donc me décaler d'un pas. Hop là. J'ai bien fait de regarder les mondiaux de gymnastique ce week-end. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est? La taupe, la taupe, la taupe, la taupe, la taupe, la taupe, repas. La taupe. Ah oui, la taupe. Ça y est, ça me revient maintenant. LM de ma 344e du nom. On ne vous avait pas tout exterminé lors de cet épisode. Non, mais il ne reste que moi. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. J'ai une surprise pour vous. Vous voulez qu'on vous suive dans votre galerie? Ben, pourquoi pas? Tu viens, la texte? Oui, super. Voyez, s'il vous plaît, montez sur mon dos. Nous allons donc dans votre galerie, sur votre galerie. Oh, ouais. Ça va, la taux? On n'est pas trop lourd? Oui, mais comme je vois que vous avez du mal à négocier les virages, je me souciais surtout de votre colonne de direction. Niluge, m'avait bien dit que vous étiez drôle. Niluge? Vous connaissez Niluge? Bien sûr. La pauvre taupe, la tête, depuis le temps qu'elle vit sous terre, elle a dû perdre la raison quelque part entre la folie et l'amnésie. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui. Niluge, Marguerite. Quand je pense qu'ils doivent reposer là, à quelques mètres de nous, morts, étouffés par cette foutue nappe de béton. Nous sommes bientôt arrivés. J'ai surtout peur que nous arrivions bien tard. Oh non, c'est ici. Les pins? La taupe? Ça, c'est de la galerie, hein? Joli travail. Non, mais mate-moi cette hauteur sous plafond, Latex. On pourrait foutre une mezzanine ici. Eh bien. Je reconnais cette voix. Ah ben moi aussi je reconnais cette voix, c'est la tienne, Marguerite. Je ne parle pas de la mienne, Niluge, je parle de cette voix. Marguerite? Niluge? C'est bien vous? Marguerite? Marguerite? Ah mais c'est Fred! C'est la tête! C'est les putains d'enculés! Allez, je vous laisse. Vous avez un grand paquet de choses à vous dire. Voilà, maman. J'ai cru que je ne vous verrais plus jamais depuis la dernière. Ce soir-là, à la cigale, au cœur j'ai eu mal. Ma détresse. sur le trottoir. Des devoirs nous ont jetés dans leur grand camion qui s'en va. Qui fait? Qui fait? Nous sommes arrivés dans une décharge au milieu des détritus. Mon imitation de Yann détourné. Mais dans la forêt, il y avait personne, personne. J'ai cherché derrière chacun, je n'ai pas voulu en croire. J'ai pas d'excuses. Enfin, je peux faire un faux mot si tu veux, mais tu me croiras pas. Allez-y toujours. Ben voilà, j'ai eu des règles douloureuses. Pendant 4 mois? Ben, je t'avais bien dit que tu me croirais pas. Ou alors, sérieusement, vous étiez où? Tu as vu 2001, l'Odyssée de l'espace? Le Kubrick? Oui, bien sûr. Tu vois la fin? Vous voulez dire le gros délire psychédélique? Exactement, c'est là que j'étais. Et j'ai travaillé le matin. Je me suis levé tous les jours à 5h30, hein. Hey, bonne jeté contre les murs. Bien sûr, Nilus. Merci. Pardonnez-moi, patron, mais même si je trouve ça fort courageux de votre part de vous lancer dans une telle aventure, ce n'est pas une raison pour nous abandonner. Je sais. J'ai une mère indigne. En plus, entre-temps, j'ai eu la folie des grandeurs, j'ai voulu me prendre pour Michel Fugain. J'ai voulu monter mon Big Bazar à moi, monter une troupe de 8 personnes, et Big Bazar, ça portait bien son nom. Hein. Moi, je s'appelais Malézendou, mais Big Bazar, ça aurait mieux sonné. Hein. Non, sérieux? Si, enfin bon. Le principal, c'est que nous soyons à nouveau réunis, n'est-ce pas? Mais dis-moi, comment avez-vous fait pour rester en vie? Ils ont coulé du béton dans toute forêt magique. Je sais. Quand on a vu la bétonneuse arriver... Moi, je voulais tout boire tout seul, nos envoyants comme ça. Je l'en ai bien évidemment empêché. Bien évidemment. Seulement, le béton gagnait du terrain et nous avions beau reculer et reculer dans la forêt, il nous rattrapait sans cesse. C'est alors que nous sommes tombés sur la taupe. Oui, elle a l'air de plus en plus fatiguée, la taupe, hein. Hey, vous me jetez contre le mur. Bien sûr, Niluge. Merci. La taupe, donc, nous a offert son hospitalité et a gentiment accepté d'agrandir ses galeries rien que pour nous. Ah, ça, j'ai vu. Franchement, moi, c'est impressionnant, le... Bravo la taupe, hein. Comme je disais à la tête tout à l'heure, on pourra mettre une mezzanine ici, hein. Oui. Ah, mais on a une mezzanine. C'est non. Pas vrai. Non, sérieux. Si, venez voir, regardez. Ça. Oh là, bébé. Oh, c'est magnifique. On dirait on dirait la pyramide du loup, mais en mezzanine. Attendez, Stimpato, vous allez avoir un choc. Devinez qui dort dessus. Hein? Devinez. Je vois pas. Hey, colonel, réveillez-vous. Colonel Attis. Mais oui, c'est moi. Mais oui, sautez dans mes bras, je vous rattrape. Allez. Hey, Fred, vous me jetez contre le mur. Je suis pas un éléphant. original, toujours aussi svelte, hein, léger, aérien. Elle est fantasque. Voilà. Ça me fait plaisir de vous revoir tous, quand même, sérieusement, ça me... Oui, patron. Maintenant que vous êtes revenus, vous n'allez pas nous laisser tomber à nouveau. Oh que non, Marguerite. Oh que non. Aucun ennemi soit qui mal y pense. Déjà, nous allons tous remonter à la surface, acheter de quoi faire sauter cette saloperie de béton, et nous rebâtirons notre empire. La taupe. Oui. La taupe. Oui. Ah, vous avez pas dit. Au rez-de-chaussée, s'il vous plaît. Aucun problème. Montez sur mon dos, je vous prie. L'éléphant aussi. L'éléphant aussi. Bébé. Un détain. Si, hein, je reprends tout comme avant, un détain. La taupe, elle pourra rester avec nous, parce qu'elle est comme ça. Elle est vraiment un super con, là. Bien évidemment, je vois pas... Non, rien à redire. Je... C'est bien simple, elle intègre l'équipe dès aujourd'hui. Dans un premier temps, à l'antenne, on la collera au courrier des auditeurs. De cette façon, on pourra dire que le triceratops. Le triceratops. Oh, les amateurs de dinosaures se régalent. Merci, la taupe. Ce fut fort sympathique. Considère-toi à présent comme un membre à part entière de l'MDMA. J'aimerais vous voir à nouveau tenir parole, patron. J'aime vous voir à nouveau tenir parole, patron, pardon. C'est promis, Marguerite. Dorénavant, je tiendrai toujours ce que j'ai dit. Corde, corde, corde, corde, corde. Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire corde, Lily? Mais pour moi, c'est plus facile de me tenir à ce que je dis si je dis corde. Oh, les studios, comme il m'a manqué. Bon, allez, le temps de donner un petit coup de fil à Michael et on est parti. Hein. Allô, Michael. Oui, c'est Frédéric. Non, pas Frédéric du matin, Frédéric du soir. Voilà, dis-moi, j'ai récupéré une partie de ma Dream Team, là, et j'aurais besoin d'un petit peu de cash, quoi. Comment ça, pourquoi? Non, mais oh, il y a du béton partout dans ma forêt. Donc j'appelle Noël ma mère, c'est ça, que je te colle les écolos au cul? Non, bon, alors. Alors, je veux un crédit illimité. Il va me falloir je sais pas combien de pains de dynamite, là. Veux-tu? Oui, la texte tranquille, pas Michael. Quoi? Oui, et je sais pas aussi combien de pains de shit. Voilà, c'est ça. Du shit, de la drogue, de la défonce, quoi, du... Il a dit ok. Là, il est content. Et il me faudrait aussi de quoi replanter. Être, boulot, chêne, saule pleureur, saule rieur, saule boudeur, fougère, gazon. Faudrait aussi de quoi refaire la piscine, hein, et bien évidemment tout le jagda pour mettre dedans. C'est d'accord? Mais d'accord! Moi je voudrais des pots de banane pour me faire un manteau pour l'hiver. Tu as entendu, Michael? Il dit qu'avec ton niveau de connerie, t'es habillé pour passer 15 ans en Sibérie. Ok, bah écoute, je t'envoie la note, Michael. Mes amis à moi que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous nous rendons au bricomarché. Ça c'est youpi! J'ai du flouze, madame. J'ai du pèse, monsieur. J'ai du pognon, mamzelle. Appelez vos vendeurs. J'ai des liasses dans toutes mes poches. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air d'une cloche? Je veux qu'on bichonne quand j'ordonne. Prenez vos caddies, c'est parti. Je veux des marteaux, je veux des ciseaux, je veux des clous, pas des tomous, je veux des tenailles, je veux des niveaux, je veux faire Versailles comme le chaton. Il me faut des vis et des tréteaux, une scie sauteuse et un chameau, je veux une perceuse et un râteau, du papier de verre, d'un cancliquant. Il me faut des graines pour replanter de la dynamite, pour désherber un néon bleu, genre saut d'été, il me faut des pailles et de caca. J'ai du flouze. madame, j'ai du pêche, monsieur, j'ai du pognon, mamzelle, j'ai une CB illimitée, j'ai des chéquiers partout, j'ai des comptes bloqués ailleurs qu'en Suisse, j'ai des tableurs, des lingots, des diamants, des bijoux. Je veux des tables, je veux des lampes, des pliables, des ampoules, 20 tapons. Je veux de la colle, je veux du sable, je veux des poutres en érable, je veux des sièges confortables et des poufs, 20 matons. Je veux des chevilles, un porte-manteau, je veux une faucille, un cachalot, je veux des tabourettes pour mon bar, je veux une piscine tout en Kevlar. J'ai du cash, j'ai du pognon, j'ai du flouze, flouze, flouze, flouze, flouze. Ça fera 28 millions d'euros, monsieur. Un petit 10%. Commence en part, semble à quelque chose. Les travaux avancent à grands pas. La piscine est quasiment terminée. Les bars ont refleuri à peu près partout. Plus vite, Marguerite, là, plus vite hein. Si vous me donniez un coup de main, ça avancerait beaucoup plus rapidement. Ah, Marguerite, on a dit qu'on reformerait l'équipe, donc c'est toi qui fais tout, hein, comme au bon vieux temps. Moi, j'aime bien quand on travaille en équipe comme ça, hein. À propos d'équipe, ils sont devenus quoi les autres? C'est vrai ça? Où c'est qu'ils sont? Loin. C'est fou ça, loin. De loin, c'est souvent fou. Non mais sérieusement! Eh bien, ils sont retournés dans le monde réel, pour de bon. Tous? Je l'ignore, je sais que le docteur a ôté sa blouse. Il est redevenu journaliste, le matin en plus. Pas comme vous. Oui, mais moi j'ai pas tenu. Waouh, la chance, à qui j'ai-tu? Tu fais les questions et les réponses, toi, maintenant. Et Léon Tom Cruise? Léon Tom Cruise, je sais pas. J'ai tout de même réussi à le rendre un chouïa schizophrène, donc il n'est pas exclu que nous ayons très bientôt de ses nouvelles. Monsieur Meuble! Ah, Monsieur Meuble est resté égal à lui-même. C'est déjà une bien étrange équation. Oui. Enfin, Monsieur Meuble, c'est comment dire, c'est une identité remarquable, plus que remarquable. Difficile de passer à côté. Mais il n'est pas exclu non plus qu'il revienne nous voir. Step dans le tuyau. Ah, step dans le tuyau. On ne devrait pas tarder à le revoir, celui-là. Il est en plein reportage extrême actuellement. Il revient demain ou après-demain, je crois. C'est quoi son reportage extrême? Il est parti faire du chiot scratch. Du chiot scratch? Oui, alors, je vous explique, c'est assez simple. Le but, c'est de passer tous les jours devant une animalerie. Tu sais, avec tous les chiots en vitrine qui te regardent, même que ça t'oblige à faire... Où tu vous dis qu'il est midi? Hein? Et tous les jours, il en achète un. Ça va faire 4 mois qu'il en achète un tous les jours. 4 mois? Exactement. Soit 120 chiots environ. Que se passe-t-il ensuite? Ensuite, le vendeur est interloqué. Interloqué, c'est les supermarchés où on vend des lots? Non, ça c'est Emmaüs. Bon, et le vendeur est interloqué, et c'est normal. Eh bien, Steph lui demande de le suivre chez lui. C'est un truc de pédin? Non, laisse-moi terminer, Milouche. Et là, Steph montre au vendeur qu'un des murs de son salon est recouvert de tous les chiots. Morts, bien évidemment. Chouin! Un mur de chiots morts! C'est bien cela. Ensuite, Steph fournit au vendeur une combinaison recouverte de scratch, place un trampoline face au mur, lui demande de prendre son élan et à lui de s'accrocher le plus haut possible. C'est ça le chiot scratch. Ah oui, pour le coup c'est vraiment extrême. Moi j'aime beaucoup, hein. J'ai hâte d'en faire. Je me demande où est-ce qu'il a bien pu pêcher une idée pareille. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'apprécie énormément celui qui lui a soufflé. Donc c'est vous? On aurait dit que j'ai rien dit. Donc en gros, tout le monde va revenir. Bah, en gros, c'est à peu près ça. Peut-être sauf le doc, je pense. Hein. Contre qui je vais me frotter, moi, là? On trouvera de gens contre qui se frotter, Niluge. J'ai quelques nouveaux amis en stock. Dont un ou deux qui devraient te plaire, d'ailleurs. C'est vrai? Moi, dis pas ça pour me faire plaisir? Non. Alors, c'est le plus bon jour de ma vie. Je suis ravi de constater que tu es toujours aussi optimiste. Ton cul? Oui, latex. Oui, non, attends, j'aimerais que tu apprennes à dire mon nom quand même au bout de 3 ans de vie commune. Vas-y, essaye juste une voix. Fred. Enculé. Fred. Enculé. Ok, laisse tomber. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, attends, je sais, ça y est. Ta console est réparée. Oui. Alors qu'est-ce qu'on attend? Tout le monde en place. On est reparti, les gars. Générique. Bravo, scoop. Bienvenue. Donc, bienvenue à tous dans le monde. Bienvenue à tous. Excusez-moi. Alors comment je suis pas dedans? Tu peux me refaire le bataille de school? C'est moi. Bravo, school. Merci. Bienvenue à tous dans LMD Meuf. Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Ouais. Et vous savez quoi? Non, non. Moi, j'aimerais bien, puisqu'on est de retour avec toi, et que ça fait longtemps, moi, j'aimerais bien chanter ma chanson. Oui, bah, écoutez, oui, pourquoi pas, il nous reste 3 minutes à meubler. Vas-y, bah, la texte, lui, son truc. T'es contente? Oui, je suis. Bah, si tout le monde est content, bah alors on est tous contents. Je crois qu'on peut même envoyer les nains qui sont contents. Voilà, c'était LMD Meuf. Il est minuit pile. C'était donc une reprise en première. On avait mis les scènes. Même s'il n'y avait pas de neige, le terrain pouvait paraître glissant et il a été. Néanmoins, nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage en notre compagnie. Nous essaierons de continuer à prendre de l'altitude et de reprendre une croisière d'humour normale. Voilà, il est bientôt minuit une sur WFM. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Je vous donne rendez-vous demain à 23h et en attendant, je vous laisse avec Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Oh, ouais, je m'y